Donc, je m'appelle Hélène Hultkamps. Moi, je suis née dans la province de la province. Ça s'appelait la colonie. C'était en Algérie, en Kabylie. Et j'ai passé mon bac à Alger en 68. J'ai eu la chance donc de vivre en Algérie après l'indépendance. Je le dis parce que, d'une part, je travaillais dans un très beau lycée à Alger, lycée français, où j'ai très vite été complètement passionnée par le cinéma et où j'animais des ciné-clubs. Et aussi parce que je pense que ça m'a donné cette attention particulière à la minorité et à la force de la lutte. Et d'arriver en France en 68, après la Révolution, et de découvrir ce pays, c'était une expérience assez curieuse. Bon. Donc, comme vous avez vu, vidéo 13, c'était les frères Ripolla. J'étais un peu seule de mon sexe dans cette équipe. Et j'étais un peu en conflit avec certaines personnes. Moi, je craignais deux choses. C'était la mainmise du politique. Il y avait des gens à Vidéo 13 qui étaient fortement impliqués avec le PS. Oui, c'est du politique partisan. Du politique partisan, bien sûr. Et il y avait mon implication de plus en plus forte dans le mouvement des femmes, qui à Aix, donc, était fort actif. D'une part, avec le MLAC d'Aix, donc, qui repérait. Et d'autre part, avec un lieu qui s'appelait la librairie des femmes, la toile d'araignée. Et un autre lieu qui s'appelait RL, l'espace des femmes, qui était un lieu non mixte, puisqu'on estimait, à mon avis, à juste raison, qu'il fallait passer par cette étape de non-mixité pour pouvoir réagir et agir par rapport à ce qui se passait dans le monde. Donc, en fait, la première expérience d'RL Vidéo est née dans RL pendant 3 ans. Donc un collectif, extrêmement collectif, qui ne signait pas ses films. Donc un premier travail avec une de nos camarades, une de nos compagnes, qui avait été violée et qui a donné son témoignage. Mais on était quand même à la fois très engagés et puis pas très précautionneux. C'est quand on a revu et réentendu les témoignages qu'on a compris qu'il ne fallait pas diffuser ce film. Donc on l'a gardé. Et par contre, on a fait un deuxième film. Donc au moment où Anne et Araceli ont courageusement porté sur la scène publique leur plainte contre leur violeur et que Gisèle Halimi est venue les défendre. Donc la deuxième image, voilà. Donc là, il y a un petit extrait qu'on pourra voir tout à l'heure. Donc ce film est signé collectif. En fait, il a été tourné par une jeune lycéenne. À l'époque, nous étions, on va dire, 5-6. Donc, une lycéenne. Moi, je gagnais ma vie dans la formation permanente. Enfin, j'étais enseignante à l'IUT, en expression écrite, orale et audiovisuelle. Et comme toi, comme beaucoup d'entre nous, aussi dans les Greta, faire de la formation pour les adultes et aussi pour les jeunes chômeurs. Je me rappelle, les stages jeunes chômeurs, c'était terrible. Donc on essayait aussi de faire passer l'audiovisuel comme pour les gens qui étaient un peu dans l'échec, pour réamorcer des désirs de faire. Ce film-là a été vendu. Moi j'avais, enfin pas que moi, on était au moins 3 à avoir très clairement la volonté de devenir professionnel. On voulait travailler dans l'audiovisuel très très vite. Et donc, on a fait en sorte de vendre ce film, qui était très mal fait, et on l'a vendu. Et on a eu un premier contrat avec le GREF. Le GREF, c'est une association satellite du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, groupement régional d'action et d'information des femmes, avec qui nous avons donc bâti un projet qui était le bilan de l'application de la loi Veil sur l'IVG qui allait être rediscutée à l'Assemblée nationale. On passe au tournage d'IVG. Alors, donc Laure Friant à droite, dans l'image précédente, Marie-Vonne à l'aise. Tu veux qu'on fasse marche arrière ? Ouais. Bon, là, ce sont les manifestations, mais en fait, on était évidemment des deux côtés. Hein. C'était ça notre particularité. Je pense que ce qu'on cherchait, c'était à dire que le travail salarié était une des composantes de notre vie, qu'on voulait exercer ce métier et que les films qu'on allait faire, c'était très exactement le reflet de ce qu'on vivait. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question du local, de l'universel, de je ne sais quoi, mais en tout cas, l'histoire des Rennes, elle a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui, enfin, même si aujourd'hui c'est professionnel, que c'est une équipe, etc. C'était de mettre au plus près la fabrication des films et ce qu'on vivait au jour le jour. Alors, bon, ça a démarré avec ces luttes-là, mais après, c'était la naissance des enfants, donc la crèche parentale, donc on filmait la crèche parentale, et donc on allait diffuser le film dans les autres régions, et ça a essaimé, et il y a eu plusieurs crèches parentales. Bon. Après, c'était la constitution du groupe de consommation alternative, on allait voir les agriculteurs, on achetait des tonnes de légumes et de fromage, et puis on faisait un film sur l'agrobiologie, oui, etc. Pardon, c'est ça. En 1976, on monte un réseau de bouffe, comme on dit aussi, c'est une espèce d'AMAP de l'époque. Hein. Et on avait aussi un projet de film avec Jean-Louis sur l'agriculture biologique. Voilà. Les enfants grandissent, il faut les mettre à l'école, on réfléchit sur l'école, comment on peut faire, bon, l'alternative à l'école. Bon. Et on fait des films sur ce qu'on vivait. Alors, sinon, quand je vous disais, moi je suis née en Kabylie, puis j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse à Alger, donc une capitale et le rural du blé noir. C'est aussi parce que dans l'histoire des Rennes, il y a toujours eu ces deux pôles, du monde rural et du monde urbain. Bon, pour ça, c'est assez bien situé entre le littoral et l'arrière-pays. Et c'est une constante, en fait, du catalogue des films des Rennes depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment on a... En fait, nous, on a eu assez vite le comment on appelle ça, ce à quoi tu as fait allusion, là, l'agrément comme organisme de formation. Donc, on a eu assez vite des contrats. Moi, je pense que c'est des contrats de formation. Donc, pour former des bibliothécaires, il y avait l'ensemble des bibliothécaires de la région autour de fosses là, qui nous ont fait intervenir. Il y a les infirmiers et après les infirmiers psychiatriques, on en parlera tout à l'heure. La formation aussi à l'école, au collège et au lycée. Et puis on a même fait un peu de formation pour les syndiqués et des syndicalistes. Il y avait les contrats greffe, les subventions. Bah, c'était plus des contrats que des subventions, donc nous on avait quand même un principe qui était de ne pas être affilié à un parti, de ne pas faire de films de commande, de ne pas faire de films publicitaires, et d'essayer chaque fois d'avoir un dispositif de collaboration avec des demandes qui émanaient de groupes sociaux. Derrière notre formation là, para-universitaire, il y avait la réflexion sur les groupes restreints. Ce qui nous intéressait, on y reviendra quand on parlera de la diffusion, c'est de travailler avec des groupes restreints, aussi bien en production qu'en diffusion. Et par contre, de faire voyager les films, c'est-à-dire d'en faire venir et de les faire voyager. Donc, après la période des luttes de femmes, je ne sais pas ce qu'il y a après, je ne me rappelle pas. Bah c'est des images de tournage. Là, on voit quand même vous tournez en 3/4 de pouce. Mais en noir et blanc, donc je pense qu'il y a déjà eu un financement. Donc on s'organisait un peu comme tout le monde. Là, on achetait un petit bout, on achetait soit la caméra, soit le magnétoscope, soit le. Ça, c'est manifestement la caméra de la 13. Là, on a carrément une énorme ceinture de batterie. Là, en fait, c'était lourd tout ça. Hein. Plein de câbles partout, on se prenait les pieds dedans. Ah, surtout le 3800, quelle horreur. Bon. Oui, après, il y a visuel. Là, voilà. Voilà, visuel. Donc, on était évidemment aussi très proche du MLAC. Donc, Là, il y a, voilà, texte publié par visuel. Sur RL. Après ces films sur les luttes féministes, on a assez rapidement donc, eu un contrat avec la Fédération régionale des coopératives agricoles. Et sur la place des femmes dans le milieu rural, donc et dans les coopératives. Donc, toujours ce questionnement voilà, sur l'émergence des statuts, l'émergence des droits. Bon, puis après, il faut que je m'arrête parce que sinon, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes salariées. Ah oui, le conseil d'administration, je voulais en dire 2 mots parce que ça a toujours été quelque chose de fort important. Bon, on a déclaré, là c'est la crèche parentale, on a déclaré l'association sous la forme loi 1901 en 1980, parce qu'on a eu aussi un peu un problème. RL, Global, était une association, mais évidemment dans le mouvement des femmes, c'était comme dans les groupes gauchistes à côté, on s'engueulait beaucoup. Et donc, on a été... Je te rassure, on s'engueule toujours. on a été... quand on a commencé à dire qu'on voulait créer un atelier vidéo et qu'on voulait que ça en soit notre métier, c'était pas très très bien vu. C'était pas très bien vu. On allait se vendre au grand capital, on allait je ne sais pas quoi faire, mais enfin... Donc, on a pris notre autonomie, on a créé RL Vidéo, et je sais plus ce que je voulais dire... Eh bien, ça existe toujours. Voilà, aujourd'hui, oui, le conseil d'administration, il était constitué de ce qu'on pourrait appeler la société civile, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment des gens qui s'intéressaient à l'audiovisuel, mais il y avait aussi une directrice de crèche, des médecins, des avocates, des personnes qui travaillaient dans l'animation culturelle, des bibliothécaires, etc. Et ça a toujours... Et c'était un des éléments moteurs aussi, et qui faisait des propositions sur des films à faire et des contrats à trouver. Voilà. Ça fonctionne toujours. Et aujourd'hui, donc, c'est 6 personnes avec toujours le côté formation, le côté animation, le côté production. Et depuis, moi, j'ai commencé à apprendre la production de façon un peu plus sérieuse en 92. Et donc aujourd'hui, je suis productrice et réalisatrice de films, ainsi que plusieurs de mes collègues. Voilà. Et l'ensemble de votre fonds est en cours de numérisation. Voilà, oui. On remercie beaucoup. Dans les fonds de la BNF. La BNF, parce que là il y a, je ne sais plus combien, je ne sais plus, il y a beaucoup de films. Plusieurs dizaines. Oui, le lien avec la recherche, je voulais en dire juste 2 mots, parce que c'est ça que je commençais à dire tout à l'heure. Il y avait la formation de base, hein, les lettres, la linguistique, le cinéma et la télévision. Mais bon, du fait qu'à partir d'un certain moment, on a eu deux élans. Il y a eu l'élan 81 qui pour nous a été très très moteur parce qu'on a bénéficié des FIC. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent des FIC. C'était un système interministériel qui finançait le développement culturelle. Local quand il y avait une réelle volonté de faire du développement culturel, et non pas de l'action culturelle, du développement culturel. Non, c'était au Mitterrand. Et donc nous, on avait à trouver 50% de chiffre d'affaires pour compléter nos emplois. Donc on coûtait beaucoup moins cher à l'État que quand on est devenu tous intermittents du spectacle. En effet. Mais du fait qu'on a bénéficié du statut des intermittents du spectacle, on a eu quand même quelques avantages, qui étaient la formation permanente. Et donc, on a pu continuer à se former à la fois sur le plan technique et sur le plan théorique. Et les deux liens avec la recherche que je voulais faire, c'était le CEFUP, qui était donc le centre d'études féministes de l'Université de Provence, donc, qui a été moteur dans la réflexion. Pour moi, le cercle Condorcet, qui est donc un cercle de réflexion sur les droits de l'homme et surtout l'émergence des nouveaux droits. La formation générale, surtout de l'éducation populaire, avec l'INEP et la suite. Enfin, qui a d'ailleurs des passerelles. Voilà. Bien. Alors, j'enchaîne avec Clivage. Et puis... Oui, bien sûr. Personnel à Hélène. Tu étais au lycée Descartes de quelle date à quelle date? De 66 à 68. Ah oui. Donc tu n'étais pas là au moment du tournage de elle alors? Ah non, non, mais je connaissais très bien Ahmed Lalem, oui, et nous l'avons accueilli à Aix. Contre-productrice de Algérienne. Oui. Voilà. Non seulement coproductrice, mais nous étions, je dirais, initiatrice, parce que Ahmed est arrivé d'Alger dans une situation épouvantable. Son cadreur s'est fait descendre, il est mort devant lui, et il est arrivé à Aix avec sa bêta-cam point. Et enfin, c'était pas que lui et c'était pas que nous. Hein. Il y a une dizaine de cinéastes algériens qui ont été accueillis à Aix, à la fois à l'université et par les collègues. Et c'est quand il a pu se remettre qu'il a ressorti ses archives de Elle et qu'on l'a aidé à monter Elle 30 ans après. Et le hasard incroyable, c'est que la jeune fille, elle avait, je sais pas, 16 ans ou 17 ans, qui a filmé l'extrait qu'on verra tout à l'heure, a été la cadreuse du film 30 ans après. Catherine Dufour. Anne. Ben, c'est Lee. On va le voir. Je ne sais plus comment. Bien. Alors, clivage. Voilà. Oui, exactement. Merci, Monique. Oui. Bon, il est temps de confronter les souvenirs.